si jolie que j'en ai rêvé. Trop jolie, trop pour être vrai. Le ciel est amoureux, amoureux de ses yeux. Le jour se lève sur ses cheveux. Endormie, elle souriait au soleil de mai. Le monde entier s'est illuminé quand je l'ai trouvée si jolie que j'en ai rêvé. Soleil de mai et le monde entier s'est illuminé quand je l'ai trouvé si jolie que j'en ai rêvé.